donc une augmentation de leur salaire, devenus trop contraints pour payer leurs dépenses obligatoires, mais aussi à travers cela, une meilleure reconnaissance de leur travail et pour le privé, un autre partage des bénéfices des entreprises. Avec cet appel à la mobilisation, enfin, les syndicats espèrent mettre cette mobilisation au cœur des débats pour la présidentielle. Environ 170 rassemblements sont prévus partout en France. Et j'ajoute qu'à midi et demi, l'invité du journal de la rédaction, ce sera l'économiste Michaël Zemmour à propos des salaires et de l'emploi au cœur de cette mobilisation. 467 000 personnes se sont inscrites à la primaire populaire. Le vote démarre aujourd'hui à 10h jusqu'à dimanche 17h. Les votants devront départager 7 candidats, mais seuls 4 reconnaissent ce vote. Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon refusent ce principe de primaire populaire. Les États-Unis mettent en garde contre les risques mondiaux d'une agression russe contre l'Ukraine. La tension est toujours maximale, avec quand même encore l'espoir d'une voie diplomatique. Washington refuse dans une lettre une exigence clé de la Russie, celle de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. Et face à la menace d'une nouvelle guerre, et hier, des avions de combat américains, des F-16, ont atterri sur une base aérienne en Estonie. Les pays baltes sont en première ligne. Et ce soir, 4 chasseurs F-16 seront à la disposition de l'OTAN en Lituanie en cas d'agression. La Lituanie qui partage environ 700 km de frontière avec la Biélorussie, où l'armée russe a entamé hier des manœuvres. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Christophe Papon pour les moyens techniques. Au bout d'une route enneigée, bordée de conifères, il y a la Biélorussie. D'ici, nous sommes à environ 10 km. Stassé habite Roudnia, un des derniers villages avant la frontière. Elle a grandi en URSS, puis fait sa vie en Lituanie après l'indépendance du pays, il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, elle craint à nouveau pour sa liberté et sa sécurité. Tout est possible. Et ça fait peur parce qu'ils sont armés jusqu'aux dents et nous ne sommes pas aussi bien équipés. Je ne fais confiance ni aux Russes ni aux Biélorusses. Je les soupçonne de vouloir à nouveau récupérer les pays baltes. La menace la plus proche est à seulement 50 km au sud avec la base militaire biélorusse de Grodno. Alors, il y a un peu plus d'une semaine, le Parlement lituanien a autorisé le maintien d'un millier de soldats aux côtés des gardes frontières dirigés par le général Rustamas Liubajevas. C'est une sorte de chantage. La situation économique difficile en Russie oblige le Kremlin à faire ce qu'il peut pour montrer à ses citoyens que c'est de la faute de l'OTAN. Et c'est une méthode utilisée souvent par de nombreux régimes. La Russie exige notamment la fin des opérations de l'OTAN dans les pays de l'Est. En réponse, la Lituanie a sollicité les États-Unis pour une présence militaire permanente. Et de son côté, la Chine, alliée de la Russie, défend, je cite, les préoccupations raisonnables de la Russie et demande aux États-Unis de cesser de perturber ces jeux d'hiver. Le temps ce matin, du brouillard sur une grande partie de la France et sur la moitié sud, le soleil domine. En matinée, il fait 5 degrés à Lille, Brest et Marseille, 3 à Paris, moins 4 à Limoges et moins 1 à Strasbourg. France Culture, l'esprit d'ouverture. À l'occasion de la Semaine internationale de l'éducation, nouvelle série consacrée à l'école et à l'enseignement dans le monde. Culture Monde, Florian Delorme. Depuis les politiques menées par les grandes instances internationales jusqu'au défi du numérique qui peut bien sûr être un formidable outil pour les professeurs, mais aussi un facteur d'aggravation des inégalités pour les élèves. En passant par la mise à l'écart des petites filles dans un Kaboul repris par les talibans ou encore la liberté académique en recul dans les campus américains. Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'éducation de l'UNESCO, en partenariat avec Learning Planet. France Culture présente Un monde de Laura Vandel. Nora entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement dont son frère Abel est victime. Mais je veux t'aider. Je t'ai rien demandé. Va-t'en. Tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un conflit de loyauté. Une plongée immersive à hauteur d'enfant dans le monde de l'école. Un monde, actuellement au cinéma, un film France Culture. Il est 9h07, vous êtes à l'écoute de France Culture. À midi et demi, vous retrouverez Claire Flochel pour le prochain journal. Pour l'heure, c'est le cours de l'histoire. Bonjour Xavier Mauduit. Bonjour Laura Dulieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. J'apporte le gâteau, Laura, vous apportez les bougies. L'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne à 50 ans. Joyeux anniversaire, nous le fêtons aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Musique. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quelle université après mai 68? Tiens, lisons le texte d'introduction du livret d'étudiants. Nous sommes en 1971 pour cette université Panthéon-Sorbonne. Il est écrit par François Lucher, professeur de droit public français, cofondateur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une université qu'il préside d'ailleurs. Madame, mademoiselle, monsieur, vous vous inscrivez dans notre université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Je suis sûr que c'est pour y travailler, acquérir une culture, préparer un diplôme, et non dans le seul but de bénéficier d'avantages sociaux ou fiscaux ou de retarder votre incorporation militaire. Les études supérieures exigent du travail et du sérieux. Ne croyez surtout pas que vous pourrez réussir par un simple effort de mémoire en fin d'année universitaire. Voilà, tout est dit. Au moment où l'université Paris 1 fête son jubilé, nous jubilons. Philippe Boutry, Christophe Charles, Marie-Caroline Luce, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bah oui, il fallait du monde pour une fête d'anniversaire. Vous publiez, à vous trois, vous dirigez cet ouvrage dans le cadre du jubilé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un ouvrage consacré aux 50 ans entre utopie et réalité. Déjà, dans le titre, il y a beaucoup de choses. Je voudrais commencer par la forme. Au moment de choisir la couverture d'un ouvrage, on sait combien c'est important. Le choix s'est fait sur un portrait, une femme, Philippe Boutry. Qui est cette femme en couverture de cet ouvrage? Alors, il s'agit de Hélène Arveiller, qui a été l'une des fondatrices de l'université, qui est historienne, spécialiste de Byzance, et qui a succédé au premier président que vous avez évoqué, François Lucher, comme présidente de Paris 1 entre 1976 et 1981. Il n'y a à l'époque que deux femmes qui sont présidentes d'université, Alice Saunier-Céité, qui sera ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait effacer en quelque sorte les souvenirs de 68, et Hélène Arveiller, qui est plutôt une modernisatrice, qui joue un rôle essentiel dans la construction de l'université, et qui est toujours aussi bien vivante. Je l'ai rencontrée au milieu des années 90, et elle est très en forme, et elle a actuellement un peu plus de 90 ans, elle vit entre Athènes et Paris, elle reste une byzantiniste, et surtout, elle est une personnalité tout à fait exceptionnelle. Elle fut résistante dans son pays à 12 ans, en distribuant des tracts contre l'occupation allemande. Elle est venue faire ses études à Paris, elle a été présidente de Paris 1, elle a été rectrice de l'Académie de Paris, elle a été présidente de Beaubourg, et c'est un peu, en quelque sorte, si j'ose dire, en faisant allusion à ses origines grecques, l'icône de Paris 1. L'icône de Paris 1, d'où eh bien, son visage en couverture de cet ouvrage, 50 ans entre utopie et réalité, 1971-2021. C'est l'ouvrage qui est le début d'une collection, Christophe Charles, le jubilé de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Oui, parce que le problème de cette université, c'est son nom l'indique lui-même, elle est extrêmement vaste, hein, c'était la plus grande université de France après 68. Elle a allié des disciplines très différentes, puisqu'on a à la fois des juristes, des économistes, des gestionnaires, des sciences humaines, des artistes. Donc il fallait couvrir cette diversité, mais en même temps ne pas noyer le lecteur sous un volume disproportionné. Donc on a choisi le format des collections, avec à la fois des ouvrages de synthèse, comme celui dont nous parlons ce matin, et puis des focus plus pointus sur des aspects particuliers. Par exemple, le livre d'Éric Pesme porte sur les relations internationales de Paris 1, parce qu'à travers ces relations internationales, on voit un petit peu les choix intellectuels, les choix politiques, et l'évolution de la position de l'université dans le monde contemporain. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui portent sur des entités plus spécifiques, comme par exemple un livre sur l'école d'art de la Sorbonne, qui est l'ancienne UFR d'art plastique, qui est déjà paru sous la plume de Jean da Silva. Il y a un livre qui va paraître la semaine prochaine sur l'Institut des sciences sociales du travail, qui est une institution tout à fait spécifique de Paris 1, qui forme des syndicalistes, donc une formation permanente destinée à des publics très particuliers. Et puis il y aura, nous l'espérons bientôt, des livres sur l'UFR d'histoire, sur l'UFR de droit, sur l'UFR d'économie, etc. Donc nous voulons à la fois montrer l'unité de cette université, malgré tout, à travers son projet né de 68, et en même temps la diversité de nos relations avec le monde professionnel, avec le monde étudiant ou avec le monde extérieur. Marie-Caroline Luce, vous aussi, hein, vous signez cet ouvrage. Paris, hein, quelle entité complexe. Vu de l'extérieur, c'était toujours étonnant parce qu'une université, c'est un nom, Paris. Hein. Alors on s'imagine quelque chose de simple. Mais en fait, non, c'est le fruit d'une histoire et d'une pensée aussi. Oui, alors en fait, l'université Paris 1, elle a été créée en 1971 suite à la scission de l'université de Paris et de ses facultés, qui fait aussi suite aux événements de 68 avec la loi Faure. Et donc, cette université a été créée sous un format pluridisciplinaire avec trois grandes familles, le droit et la science politique, l'économie et la gestion, et les mathématiques également, qui sont arrivées un peu après, et les sciences humaines avec l'histoire, la géographie, la philosophie, et des instituts qui ont rejoint aussi l'université, tel que vient de le signaler Christophe Charles, l'ISST. On a aussi l'IEDES, c'est l'Institut de développement également, et d'autres petits instituts qui gravitent autour de cette université pour former un ensemble assez homogène, on dira. Les événements de mai 1968, nous les avons en tête, nous voyons ce mouvement dans le quartier latin. Vous venez de citer, Marie-Caroline Luce, la loi Faure. Alors qu'est-ce que cette loi Faure, Christophe Alors, Charles ? C'est une loi donc qui est votée en novembre 68 pour essayer de réformer les universités, puisqu'elles avaient été agitées pendant plusieurs mois, plusieurs semaines de forces contradictoires. Il s'agit à la fois de recomposer la carte universitaire française, puisqu'on, à la place d'une université par grande ville, on va avoir 60 universités au bout du processus. Et à Paris même, où la plus grande université, l'Université de Paris, compte plus de 125 000 étudiants, on se dit qu'il faut revenir à des tailles humaines. Et donc, au lieu d'une seule université, on va en avoir 13. Donc vous voyez, c'est quand même un bouleversement total du paysage. Mais évidemment, on ne veut pas faire quelque chose d'autoritaire. Il ne s'agit pas de reprendre le modèle napoléonien où tout vient d'en haut. L'idée est de repartir au contraire de la base. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que le pouvoir gaulliste, qui pourtant a plutôt une image bonapartiste, enfin en tout cas dans les classifications de la science politique, va donner la parole à la base. Et c'est à partir des unités de base, ce qu'on appelle les UER à l'époque, aujourd'hui on parle d'UFR, enfin les départements disciplinaires, que les gens vont choisir avec qui ils se marient. Donc c'est une espèce de grand marché matrimonial, puisqu'il y a 127 UER qui vont être créés, et ces UER vont choisir avec qui elles font alliance et partenaire pour créer ces 13 nouvelles universités. Et alors vous imaginez qu'au niveau de Paris, c'est très compliqué, parce qu'il y a à la fois des problèmes de locaux. On partage les mêmes locaux. Paris 1 partage une partie de la Sorbonne. Paris 1 partage aussi une partie du centre Panthéon. Il y a des universités qui, elles, ont leurs propres locaux, comme Nanterre, là, il n'y a pas de problème. Mais à Paris, il y a des querelles de voisinage, des querelles de partage, parce qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins prestigieux. Il y a des adresses où il faut être, et puis d'autres, on a moins envie d'être, etc. Donc ça va durer 2 ans. C'est pour ça qu'entre 68 et 70, il y a des discussions d'innombrables réunions, et enfin, début 71, donc le gouvernement va pouvoir signer les décrets de création des différentes universités. Mais vous voyez, c'est un processus très compliqué, et à la fois démocratique et en même temps orienté, puisque un des principes de la loi Faure, c'est multidisciplinarité. On veut rompre avec le principe des facultés, on veut allier des disciplines différentes. Et deuxième principe, l'autonomie, c'est-à-dire il faut que les gens prennent en main leur destin. Et donc il y a un pouvoir présidentiel qui n'existait pas autrefois, qui va commencer à s'affirmer. Et c'est un peu pour ça aussi que nous avons choisi ce symbole sur la couverture, parce que c'est quand même des personnalités qui vont porter ces projets d'université. La loi Faure a eu pour conséquence énormément de discussions, vous venez de le rappeler, Christophe Charles, moi je vais vous dire, hein, il aurait fallu confier le dossier à Marguerite Duras, tout aurait été réglé très vite. Je suis pour qu'on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles, profondément. On recommence tout. le départ à zéro. Je suis pour qu'on oublie l'histoire. L'histoire de France, l'histoire du monde. Complètement. Qu'il n'y ait plus aucune mémoire de ce qui a été vécu. C'est-à-dire de l'intolérable. Sur tous les fronts, sur tous les points. Tout cassé. En novembre 1969, donc un an après la loi Fort, Marguerite Duras voulait détruire toutes les universités. C'est Pierre Desproges, hein, qui disait que Marguerite Duras n'a pas dit que des conneries. Elle en a écrit aussi. Philippe Boutry, au moment de la construction d'une université, non, en écho à ce que vient de dire Marguerite Duras, pas rien. Ce n'est pas construit à partir de rien. Il y a un héritage, mais malgré tout, il y a des nouveautés. C'est cet équilibre, c'est un peu cette utopie et cette réalité évoquée dans le titre du livre. Tout à fait, tout à fait. Il y a un héritage. Paris 1 provient de l'ancienne université de Paris et assume dans son nom ce double héritage, Panthéon, c'est-à-dire la fac de droit et d'économie, Sorbonne, c'est-à-dire la faculté de sciences humaines. Mais en même temps, il y a un projet extrêmement novateur auquel sont attachés à la fois beaucoup d'enseignants, beaucoup d'administratifs et de bibliothécaires et beaucoup d'étudiants. Et c'est en ce sens là qu'il y a aussi une dimension d'utopie. Christophe Charles a rappelé deux des trois principes qui ont guidé la loi Fort, c'est-à-dire la multidisciplinarité. C'est très neuf de croiser les disciplines et c'est devenu un peu l'ADN de Paris 1 jusqu'à aujourd'hui. L'autonomie dans la mesure où elle est possible dans ce pays très centralisé. Mais il y a aussi un troisième principe à l'époque qui est la participation. Et cela est parfaitement neuf, puisque désormais, l'université va être gouvernée non seulement par les professeurs, comme c'était le cas dans l'ancienne université de Paris, mais aussi par les représentants de l'ensemble du corps enseignant, des étudiants et des personnels administratifs et des bibliothèques. Et ceci va susciter à l'intérieur de cette université une qualité de vie démocratique assez exceptionnelle. Marie-Caroline Luce, justement, vous vous occupez des archives de Paris 1 où il y a sans doute énormément de traces de tous ces débats parce que c'est magnifique à entendre ce fonctionnement-là, mais à appliquer, c'est toujours très difficile, la démocratie. Oui, alors en fait, quand il y a eu la séparation justement des universités, il fallait aussi penser à la séparation des archives. Par exemple, pour l'ancienne faculté de droit, c'est aussi, il y a Paris 1, l'université Paris 1 et Paris 2, Panthéon Assas. Donc, il a fallu une partition pour déterminer qui récupère quoi en termes d'archives. Donc, tout ce qui concerne la gestion des carrières des personnels, par exemple, c'est l'université Paris 1 qui en a été héritière et toute la partie concernant les étudiants, les dossiers d'étudiants, c'est Paris 2. Donc, la partition, malheureusement, on n'a pas pu séparer les registres de procès-verbaux. Donc, quelquefois, Paris 1 et Paris 2 sont obligés, au niveau des archives, nous sommes obligés de travailler ensemble pour savoir qui possède quoi pour les relevés de carrière ou pour un document quelconque pour les étudiants. Donc il y a toujours ce lien que conservent les deux universités, les deux anciennes, enfin les héritiers des deux anciennes facultés pour la question des archives. Et d'ailleurs, au moment d'évoquer les archives, nous sommes sur le très concret. Et c'est ça aussi l'histoire d'une université. Parce qu'il y a une histoire incarnée avec des enseignants, du personnel, des étudiants. Et puis c'est une histoire administrative, mais qui d'un seul coup change complètement d'échelle avec la vocation dès la naissance de Paris 1. Bonjour Éric Pesme. Bonjour. Christophe Charles vous a déjà cité. Vous avez travaillé, vous, sur l'action internationale de l'université Paris 1. Qui étaient les directeur de vos recherches? Alors, le directeur de mes recherches était Christophe Charles. Philippe Boutry siégeait aussi dans le jury. Ah oui, donc ils sont là. Donc, exactement. Ils connaissent bien vos travaux. Pourquoi s'intéresser à la vocation internationale de Paris, hein? Alors, tout d'abord, parce que c'est une dimension essentielle du travail scientifique aujourd'hui, d'avoir une dimension ouverte sur le monde. Pour plusieurs raisons, parce que le savoir est universel, donc il y a cette volonté aussi d'obtenir la reconnaissance des pairs pour assurer la légitimité d'une université dans une concurrence de plus en plus mondialisée au point de vue universitaire, mais aussi parce que Paris 1 est animé d'un élan universaliste, donc d'un engagement politique humaniste qui cherche aussi à rendre le savoir accessible à tout le monde, non seulement dans toutes les classes sociales, mais aussi dans le monde entier. Et ça, c'est inscrit dans les statuts de Paris 1, dans la réflexion. Ce n'est pas simplement une projection portée, c'est qu'il y a une volonté écrite et rédigée. Tout à fait. On trouve dans les statuts fondateurs un article intitulé « Vocation mondiale ». Je cite « L'Université de Paris 1 affirme sa vocation européenne et universaliste ». C'est un article qui aujourd'hui fait partie du préambule des statuts actuels de Paris 1. Donc c'est une dimension qui est toujours au cœur de notre université. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous parlons de cette université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui commémore son jubilé. Il est peut-être temps d'ailleurs de créer cette université. La rentrée 71-72 est la plus importante depuis 3 ans. C'est l'année où le chantier est terminé, c'est l'an 1 des universités Nouvelle Manière. Vous le savez, on ne dit plus une faculté ou un doyen, chaque ville a 1, 2 ou 3 universités, à Toulouse il y en a 4. L'université des lettres, celle des sciences sociales, celle des sciences et de médecine et l'institut universitaire de technologie. C'est ce que l'on retrouve à Paris, à Grenoble, à Nantes, à Lyon, à Marseille, à Lille, Caen ou Bordeaux ou ailleurs. Donc, les universités, filles de la loi de novembre 68, sont en place. Pour la première fois, nous verrons dans un instant leur structure. Mais auparavant, voyons ce que cela change pour le recteur, les professeurs, les étudiants, pour un étudiant. Qu'est-ce que ça change pour un étudiant, cette nouvelle université présentée en novembre 1971 sur l'ORTF? Christophe Charles, en 1971, vous aviez 20 ans et fringant, vous gambadiez dans vos études, mais ça voulait dire quoi pour un étudiant en 1971, cette université, même observée de loin, ça veut dire quoi? Bah oui, moi j'ai fait ma rentrée d'ailleurs, même juste avant, puisque je suis ma première rentrée à Paris 1, c'est en 70. On était en train de créer tous ces conseils avant le baptême officiel de 71. Alors ça voulait dire d'abord qu'on n'avait plus des cours, mais on avait des unités de valeur. C'était une nouvelle terminologie, et donc on devait combiner soi-même son menu. On n'avait pas un programme absolument fixe, il fallait piocher dans différents thèmes pour construire son parcours. Un deuxième point qui avait changé, c'était qu'il y avait ce qu'on appelait les majeurs et les mineurs, c'est-à-dire que, principe de pluridisciplinarité, on était encouragé à ne pas faire qu'une seule discipline, mais on pouvait s'inscrire en partie en histoire, en partie en géographie, ou en histoire de l'art, ou en droit, ou en économie, et on devait essayer de combiner son emploi du temps pour pouvoir faire face à toutes ces sollicitations, ce qui n'était pas si simple, parce que, comme vous le savez, à Paris 1, nous avons 15 implantations, et évidemment, quand on est inscrit à plusieurs UER et que ces UER ne sont pas au même endroit, il faut courir dans la journée d'un cours à l'autre. Enfin, dernier point, il y avait le principe du contrôle continu, c'était la nouveauté de mai 68 aussi, c'est-à-dire plus seulement l'examen final, le bachotage, et puis on est reçu, on n'est pas reçu, et puis tant pis. Là, il fallait travailler toute l'année, c'est ce qu'expliquait d'ailleurs le président Luchère dans le discours que vous avez cité. Il faut, toutes les semaines, rendre des devoirs, faire des exposés, se tenir au courant des cours et des TD, et vraiment faire un effort continu, et non plus un effort une fois dans l'année. Donc c'était vraiment une volonté de mettre les étudiants au travail, parce qu'il y avait un peu cette image très romantique de l'étudiant qui flâne dans les cafés, qui va au ciné-club, qui drague les filles ou qui va au Luxembourg, mais qui fait pas grand-chose dans l'année et qui ne travaille que un mois ou deux dans l'année. Donc il y avait vraiment un changement radical d'atmosphère. Alors moi, ça me changeait pas parce que je sortais de classe préparatoire, donc je trouvais plutôt qu'on travaillait moins qu'avant. Mais pour des étudiants qui avaient eu plutôt l'image un peu romantique de l'étudiant dilettante, c'était un changement radical. Philippe Boutry, d'ailleurs, nous pouvons changer d'échelle aussi avec vous parce que nous parlons de Paris 1, évidemment à Paris, une des universités de Paris. Mais dans toute la France, il se passe quelque chose aussi autour de toutes ces réflexions. Comment repenser l'université? Absolument. Les années 70 sont un grand moment de réflexion collective sur l'enseignement supérieur, qui devient à la fois un enseignement supérieur de masse, c'est la raison même des événements de 1968, et qui entend aussi maintenir ce que nous appelons aujourd'hui des universités de recherche. Et ce double postulat de l'enseignement et de la recherche constitue en quelque sorte la structure, le cœur du projet universitaire. Ce projet, il est en effet, dans le cadre de la loi Faure, étendu sur l'ensemble du territoire français, à travers de très nombreuses unités, à travers de très nombreuses universités dans les grandes villes, et puis il va être repensé une seconde fois en 1984 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et la loi dite Savary qui modifie encore la structure des universités et va insister très fortement sur ces trois éléments qui sont constitutifs du nouveau projet, multidisciplinarité, participation, autonomie dans une certaine limite. Et puis la question se pose de la réalité du fonctionnement, de la réussite. Au moment de penser l'université, il y a Vincennes qui vient en tête. Il y a une tentative, il y a des réflexions et tout n'a pas fonctionné. Il y a eu des moments où ça a bloqué. Comment ça s'est passé pour Paris 1 ? Tout s'est bien passé ? Christophe Charles. Oh, ça serait une vision de l'histoire un peu commémorative, mais nous montrons bien dans le livre que malheureusement il y a eu aussi un certain nombre de crises. Alors des crises qui parfois sont internes parce qu'il y a des tensions entre, disons, des fractions plus conservatrices et des fractions plus modernistes, mais aussi des tensions entre des catégories de personnel, puisque il y a eu notamment en 1989 une assez longue grève des personnels administratifs qui avaient subi à la fois des retards de carrière, mais aussi des suppressions de postes et qui se sentaient débordés par le travail, puisque fin des années 80, on a une nouvelle croissance des effectifs étudiants et les personnels administratifs n'ont pas été recrutés en proportion. Donc on voit des queues d'étudiants dans la rue pour les inscriptions, il y a des problèmes de gestion des dossiers, etc. Et puis, autre tension possible, c'est évidemment des rivalités politiques entre différents syndicats étudiants. 68 a abouti à un émiettement du syndicalisme étudiant avec des factions rivales qui se disputent les élections, puisqu'il y a des élections étudiantes, et donc parfois il y a des incidents à l'occasion de ces élections. Et puis il y a aussi à l'époque une extrême droite très anti-68 qui n'a pas digéré, disons, cette réforme et qui parfois suscite des incidents en s'attaquant lors des élections ou lors de différents meetings à d'autres groupes d'étudiants qui sont évidemment sur des positions inverses. Donc tout ça crée une agitation pas permanente, mais enfin régulière, et qui souvent est utilisée dans certains journaux pour dénoncer ce qu'on appelait, entre guillemets, la chienlit. Donc il y a une agitation, et elle se concentre en particulier dans un bâtiment un peu exemplaire de notre université, qui est la tour Pierre Mendès France, enfin, à l'époque elle s'appelait Tolbiac, qui est donc une tour où on a accumulé toutes 10 000 étudiants qui sont surtout en premier cycle. Et évidemment, c'est un lieu souvent de cristallisation des conflits et d'agitation qui défraie la chronique, parce que c'est facile évidemment de bloquer une tour. Il y a 4 ascenseurs, il suffit de bloquer 4 ascenseurs et vous paralysez une université. Donc on a ce genre d'incident, mais enfin bon, on est encore là, donc ça prouve qu'on a réussi à surmonter. Vous avez trouvé les escaliers, Christophe Charles. Eh bien, je vous propose justement de faire un petit tour rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris. Cet après-midi, à Paris, inauguration du centre universitaire Pierre Mendès France à l'occasion du premier anniversaire de la mort de l'ancien président du Conseil. La décision de donner ce nom de Pierre Mendès France à un centre universitaire avait été prise au Conseil des ministres. Le président Mitterrand a présidé à l'inauguration de ce centre, rue de Tolbiac, en présence de nombreuses personnalités du monde politique, syndical et universitaire. Fallait bien la Marseillaise en 1983, au mois d'octobre, dans le journal de 20h de la première chaîne de la télévision française pour l'inauguration du centre Pierre Mendès France, au lieu de la contestation, Marie-Caroline Luce. Oui, alors effectivement, il faut savoir que lorsqu'il y a eu la séparation des universités, il fallait accueillir au sein de l'université Paris 1 particulièrement une masse d'étudiants. Donc il fallait aussi qu'il y ait une nouvelle construction pour accueillir cette population assez dense, donc d'où la création du centre Pierre Mendès France en 1973. Et 73, dès l'ouverture de l'université, et même bien avant, pendant la période de construction du chantier, il y a eu des confrontations, des affrontements entre divers courants gauchistes et de l'extrême droite pour la conquête de ce nouveau territoire qui pouvait devenir un bastion des deux courants. Philippe Boutry, justement, ce bastion des deux camps, vous avez présidé l'université Paris 1, vous savez tout ce que cela veut dire. Oui, je pense qu'il y a une histoire longue de la revendication étudiante au Centre Pierre Mendès France, à Tolbiac, qui est à la fois passionnante et, disons-le, aussi difficile, avec des moments assez étonnants, par exemple les années 1980, sous la présidence de Jacques Sopelsa, où on voit se mettre en place un trio étudiant appelé à un certain avenir, puisqu'il s'agit de Stéphane Fuchs, qui va devenir le vice-président d'Havas, d'Alain Bauer, qui sera grand maître du Grand Orient de France et spécialiste de criminologie, et un personnage encore discret à cette époque, qui est Manuel Valls, qui deviendra Premier ministre. C'est un peu l'apport de la vie étudiante de Tolbiac à la formation de la classe politique française et à son renouvellement. Mais il est vrai que dans les années 70, 80 et jusqu'à une date très récente, le Centre Pierre Mendès France est une sorte de thermomètre de la situation universitaire en France, avec ses difficultés, avec ses revendications, avec ses espérances également. Oui, le Centre Pierre Mendès France, vous l'avez rappelé Christophe Charles, qui régulièrement fait la une de l'actualité avec ce contraste, mais qui est très intéressant, entre le sentiment dans une université de vivre quelque chose au moment de bloquer un ascenseur à Tolbiac, et puis le regard porté sur cette université à l'international. Éric Pesme, cette université Paris 1 est-elle perçue de manière différente que les autres universités par son âge, par son fonctionnement, au moment d'attirer des étudiants venus d'ailleurs ? Alors, oui et non, c'est une question assez difficile. Disons que l'université Paris 1 a la chance d'être l'une des héritières de la Sorbonne, et à ce titre, dans le nom même de l'université Panthéon-Sorbonne, elle représente un héritage très prestigieux qui attire des étudiants du monde entier. On compte jusqu'à 20% d'étudiants étrangers qui s'inscrivent à l'université Paris 1 tout au long de la période. Et vis-à-vis des chercheurs des universités étrangères, Paris 1 est aussi un petit peu le drapeau de l'université française, avec son nom prestigieux, mais aussi ses grands professeurs qui ont une notoriété internationale antérieure parfois à la fondation de Paris 1. Et quelles sont les actions internationales d'ailleurs de Paris 1 ? Alors Paris 1 a des actions essentiellement sur les deux plans qui représentent sa mission, les études d'une part. Donc on a parlé de l'accueil des étudiants étrangers. Il faut parler également à ce point de vue d'une spécificité de Paris 1 qui est la question des filières délocalisées. Paris 1 dispose de centres en Turquie, en Roumanie, en Égypte et aussi en Argentine par exemple, où elle forme plus de 1000 étudiants qui ont un diplôme de Paris 1 mais qui ne font pas le déplacement, qui restent dans leur pays pour être diplômés de Paris 1. Il y a également la mobilité en cours d'études, qui prend son essor surtout à partir du programme Erasmus à la fin des années 80, donc c'est quelque chose de plutôt récent, et qui prend la forme la plus aboutie sous celle des doubles diplômes. On en compte 68 actuellement à l'université Paris 1. L'autre mission, donc la recherche, a aussi plusieurs axes d'action internationale. La mobilité, qui permet quand même de mener un certain nombre de rencontres et de projets ensemble, qui s'effectue d'une part dans le cadre d'accords diplomatiques plus larges au niveau national, mais aussi dans le cadre de partenariats noués par Paris 1 spécifiquement avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, on en compte 388 dans 78 pays, donc ça permet vraiment à l'université d'affirmer une politique spécifique. Et cette mobilité, elle permet de manière plus approfondie de nouer des projets de recherche communs, ce qui est aussi un peu un des drapeaux de la coopération internationale à Paris. Oui, tous ces projets sont eux-mêmes le fruit d'une histoire. L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fête ses 50 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bravo, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 50 ans entre utopie et réalité. Au moment d'écrire l'histoire d'une université, Christophe Charles, il est nécessaire de prendre en compte l'histoire de l'université. Paris 1 s'inscrit dans une histoire des universités dont vous êtes un spécialiste. Oui, c'était un peu ça l'enjeu. C'était à la fois de montrer ce qu'il y avait de spécifique dans cette université, mais en même temps de la relier bien sûr à son époque, puisqu'elle dépend bien sûr de lois qui sont votées à l'échelle nationale, elle dépend des transformations du monde extérieur, puisque la géopolitique universitaire a complètement changé depuis les années 70. Le Parisien était surtout tourné vers le sud, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire vers les anciens pays d'Afrique, où la France avait encore des relations très intenses, et puis de plus en plus, maintenant, on voit arriver des étudiants venus d'Asie et beaucoup moins d'Afrique. Donc, il y a un changement géopolitique. Et puis, il y a surtout la prise de conscience des transformations de l'espace intellectuel, puisque on raisonnait encore en 71-72 sur, disons, ces grandes disciplines traditionnelles, histoire, géographie, philosophie, histoire de l'art, droit, économie, et on a vu naître, bien sûr, de nouvelles disciplines qu'il a fallu intégrer dans le paysage. Et puis il y a surtout les grandes pulsations démographiques. 68, on le sait, est né d'une expansion démographique du nombre d'étudiants avec des structures qui n'étaient plus adaptées, mais on a connu depuis une deuxième expansion à la fin des années 80, début des années 90, et il a fallu faire face de nouveau à cette expansion et surtout proposer aux étudiants de nouvelles filières, d'où la création par exemple de ce qu'on appelle les doubles diplômes, droit, économie, droit, sciences politiques, histoire, droit, etc. Et puis aussi la volonté d'accueillir des populations qui n'ont pas forcément eu des parcours classiques, avec des reprises d'études, avec de la formation permanente, etc. Donc l'université est toujours obligée de s'adapter à la société, mais cette société souvent va plus vite que l'université. Et puis il y a un dernier problème qui est spécifique de Paris 1, c'est que nous sommes dans une grande région universitaire, avec plus de 300 000 étudiants, avec une quinzaine d'universités qui sont en principe plus ou moins en compétition, et puis de très nombreuses grandes écoles. Donc les étudiants, il faut qu'ils trouvent leur place dans ce paysage compliqué, il faut que chaque université mette en avant ses forces et cache ses faiblesses si elle en a, et essaye d'attirer ces groupes qui peuvent être un peu perdus dans ce paysage très compliqué. Donc on a essayé de rendre compte de tout cela à travers des tableaux statistiques, à travers des cartes, à travers aussi des témoignages, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans l'histoire très contemporaine, c'est qu'on peut interviewer les acteurs, on peut interviewer d'anciens étudiants, d'anciens présidents, d'anciens professeurs, et on peut donc donner un peu plus de chair humaine à des archives qui parfois sont un peu austères, il faut bien le dire, les comptes rendus de conseil d'administration, c'est pas la littérature la plus excitante, surtout qu'ils sont souvent assez caviardés, on ne garde que les décisions et on oublie un peu les discussions, ce qui aurait été le plus intéressant. Donc c'est à la fois un défi, parce que nous sommes dans une histoire vivante, une histoire encore où il y a des intérêts conflictuels qui peuvent se manifester, mais en même temps, il faut commencer le travail, il faut défricher, il faut penser à l'avenir, c'est-à-dire construire déjà des nouvelles archives pour le futur, puisque les archives papier ne sont pas toujours suffisantes pour comprendre ce qui s'est passé. Elles sont très bien, vos archives, Marie-Caroline Luce. N'écoutez pas. Non, mais c'est vrai, il y a une distance à prendre, et puis je retiens surtout, et c'est peut-être l'essentiel, dans l'histoire d'une université comme celle de Paris 1, mais toujours en histoire, d'incarner. Ce sont des hommes, des femmes qui porte cette histoire. L'empire d'Hélène Arveler, 52 ans, d'origine grecque, la seule femme en France présidente d'université, s'étend à 16 unités d'enseignement et de recherche et à 5 départements et centres d'enseignement, soit environ 25 000 étudiants et 1200 enseignants. Cela correspond à une ville moyenne, Dieppe par exemple. Est-ce que vous n'êtes pas trop submergé par toutes les tâches administratives ? Oui, il y a des moments où j'ai envie vraiment de déchirer tous les papiers qui m'entourent. Mais j'avoue que je maîtrise cette envie et c'est une question d'organisation du temps. Madame la Présidente ne reste pas enfermée dans son bureau entouré de dossiers ou à la Sorbonne au centre d'études byzantines. Non, elle vient au centre Saint-Charles, Tolbiac, Michelet, Arago prendre le pouls de l'université. C'est alors le général qui va voir si la soupe est bonne. Alors, Philippe Boutry, la soupe est bonne ? Vous avez présidé l'université Paris 1 de 2012 à 2016. Oui, en effet, c'est un travail très impressionnant et se sont succédés une douzaine d'équipes présidentielles avec à chaque fois un président et ses collaborateurs. Et nous avons essayé dans ce livre de rendre compte humainement de ce qui se passe avec à la fois les projets de ces différentes équipes, les limites de leur action qui sont très vite atteintes car les structures évidemment ne permettent pas tout et il y a un aller-retour constant dans ce livre entre ce que souhaiteraient les dirigeants de l'université et les éléments structurels qui sont exprimés par ces tableaux, par ces statistiques dont parlait Christophe Charles, par ces difficultés en termes de locaux, en termes de budget qui limitent la capacité d'intervention des présidents et une espèce de dialectique qui est au cœur de la politique de l'enseignement supérieur entre les moyens qui sont alloués à l'université et les projets qui sont les siens en termes d'enseignement, en termes de recherche, en termes de professionnalisation. Avec cette question, mais qui est encore au cœur du débat, comment produire à la fois une institution élitiste au sens où elle cherche le meilleur et une institution démocratique, ouverte au plus grand nombre. Christophe Charles, c'est vraiment la question, c'est un équilibre, un jeu de curseurs. Oui, c'est un peu la dialectique de tout le système français, c'est-à-dire qu'il se veut ouvert, puisqu'il n'y a pas de sélection a priori à la sortie du baccalauréat. Il se veut en même temps de qualité, puisque on allie l'enseignement et la recherche. On ne fait pas simplement de la reproduction du savoir, on veut inventer du savoir. Et il se veut aussi démocratique, c'est-à-dire que les gens se sentent partie prenante dans ce qui se passe à travers les conseils. Au niveau des UFR, les étudiants sont participants. Au niveau de l'université, il y a aussi des représentants étudiants. Les personnels administratifs aussi doivent être partie prenante. Donc évidemment, il faut harmoniser tout cela. Et tous ces gens n'ont évidemment pas tous les mêmes intérêts, n'ont pas tous les mêmes envies. Par exemple, je prends un exemple concret. Quand vous créez un nouveau diplôme, c'est très bien sur le papier. Ça va permettre à de nouveaux étudiants d'arriver. Ça va permettre de diversifier l'offre d'enseignement, mais aussitôt le personnel administratif, oui, mais ça donne du travail en plus, forcément. Il faut des nouveaux locaux, il faut des nouveaux personnels spécifiques sur ces nouvelles formations, et bien sûr, il faut de l'argent, puisque il faut accueillir ces nouveaux étudiants. Et un des problèmes de Paris 1, c'est que il y a cet héritage très prestigieux, mais comme vous le savez, la Sorbonne a été créée au début du XXe siècle, en tout cas en termes de bâtiments, et elle n'était pas exactement prévu pour ce qu'on se fait aujourd'hui avec des écrans, avec des micros, avec des salles modulables, etc. Alors les nouveaux locaux qu'on a créés depuis, il y en a eu plein qui ont été créés, mais il y a aussi cet héritage architectural qui limite l'adaptation. Deuxième problème, les moyens financiers. Philippe Boutry, en tant qu'ancien président, est resté discret parce que c'est un problème qu'il a eu à régler lui-même, mais les universités ont toujours l'impression qu'elles sont maltraitées par le pouvoir central dans la mesure où quand on regarde la dépense par étudiant moyenne, elle est toujours inférieure à ce qu'elle est dans l'enseignement secondaire ou à ce qu'elle est dans certaines grandes écoles. Donc on a l'impression qu'on demande à des gens de courir le 100 mètres avec des fers aux pieds. Donc ça crée un certain malaise au niveau aussi bien des enseignants, des présidents ou des étudiants. Et c'est des problèmes qui sont au cœur, comme vous le savez, de débats très contemporains. Donc on voit qu'il y a une longue durée de ces problèmes et de ces tensions. Et dans ces débats contemporains, il y a aussi les conditions de vie des étudiants. Marie-Caroline Luce, est-ce que cela apparaît dans les archives? Alors tous les mouvements de contestation, même la vie étudiante. Alors, les mouvements de contestation et la vie étudiante, effectivement, on les retrouve à travers les tracts qui sont collectés et diffusés lors des manifestations ou des AG qui ont lieu dans des amphis et particulièrement au centre Pierre Mendès-France, dans l'amphi N, le mythique amphi N de Tolbiac. Et on a aussi tout ce qui concerne la vie étudiante. On a un service de la vie étudiante où il y a vraiment les archives des associations. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect contestation au niveau des étudiants, mais il y a aussi une vie associative qui est quand même assez importante, assez dense. Et nous collectons et conservons évidemment ce type de documents. Et c'est important de collecter tout ça pour les historiens, les historiennes du futur. Philippe Boutry, il y a toujours cette idée d'évolution, et nous avons évoqué depuis le début de cette émission des ambitions, les ambitions initiales. Ont-elles dû s'adapter à des réalités ? En effet, le paysage de l'enseignement supérieur français est en transformation rapide depuis une quinzaine, vingtaine d'années, en particulier depuis la loi Pécresse sur l'autonomie des universités, qui a transformé très considérablement la gestion même des universités, et en particulier sa gestion budgétaire, en lui donnant des moyens, mais en lui donnant aussi des responsabilités extrêmement lourdes. On le voit bien aussi par les projets qui sont en train de transformer l'enseignement supérieur, la création par exemple du campus Condorcet au nord de Paris, dont Paris 1 est partie prenante et qui va devenir l'équivalent pour les sciences humaines et sociales de ce qu'est Saclay pour les sciences dites dures. On le voit aussi par les aléas des projets de rapprochement. Paris 1, en définitive, est aujourd'hui la seule et la plus importante, y compris dans les classements internationaux, université de sciences humaines et sociales, et spécifiquement de sciences humaines et sociales. Et c'est cet atout, je pense, qu'elle va développer sous la direction de sa présidente actuelle, qui est une juriste de droit privé, Madame Christine Nolleduc. Et d'ailleurs, qui écrit la préface de cet ouvrage, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 50 ans entre utopie et réalité, 1971-2021. Juste en un mot, Christophe Charles, entre utopie et réalité, beaucoup d'utopie ou des utopies? Parce que l'utopie, on sait que c'est complexe comme mot, il n'y en avait pas tant que ça en fait, c'était quand même très concret dans la volonté de faire bien. C'est-à-dire que je ne prends pas le mot utopie au sens de rêve impossible, c'est plutôt l'idée d'anticiper, c'est-à-dire de dire nous avons un héritage, bien entendu, nous sommes dans le droit fil d'une tradition qui remonte au XIIIe siècle, si on prend la fondation de l'Université de Paris, mais nous sommes dans une société qui bouge, nous sommes dans une société qui est en perpétuelle reconfiguration, nous nous occupons de sciences humaines et sociales, donc nous sommes dans les sciences qui sont là pour observer, pour comprendre le monde et pour essayer à travers cette analyse et cette recherche d'anticiper la suite. Donc nous sommes à l'interface précisément de cette utopie au sens de ce qui va arriver ou de ce qui peut arriver et de la réalité, c'est-à-dire comment passer de ce qu'on peut souhaiter ou de ce qu'on peut craindre à la compréhension de ce qu'on est en train de faire pour ne pas être simplement les objets de l'histoire, mais essayer d'anticiper, donc ne pas subir comme nous l'avons fait en 68, où finalement cette crise est tombée d'un grand coup et il a fallu réagir à chaud. Donc il s'agit un peu de construire l'avenir à partir d'une vraie connaissance du présent et du passé. C'est presque une belle définition de l'histoire, Christophe Charles, que vous nous offrez. Merci beaucoup à vous. Merci Philippe Boutry, Marie-Caroline Luce, et pour cet ouvrage Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 50 ans entre utopie et réalité. Et merci aussi à vous, Éric Pesme, une vocation universaliste, l'action internationale de l'Université Paris 1. Mais pour le moment, le futur nous conduit à la rencontre de Gérard Noiriel. Oui, le voici, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi les Québécois ont-ils un accent ? Dans mes chroniques, il m'arrive de temps à autre d'aborder une question mal posée. C'est le cas aujourd'hui, car sous une apparence de neutralité, poser la question des accents québécois, marseillais, alsaciens ou autres, c'est une forme d'ethnocentrisme, une façon de voir le monde à partir de ses propres préjugés. Quand on dit que quelqu'un parle le français sans accent, on oublie que cette neutralisation apparente est le fruit d'une longue histoire. C'est en 1534 que le navigateur Jacques Cartier a découvert le Québec. Quelques décennies plus tard, grâce à Samuel de Champlain, la première colonie française permanente s'est fixée sur ce territoire qu'il a appelé la Nouvelle-France. À l'époque, ses habitants parlaient la même langue que le peuple du Royaume de France. Un français populaire qui se distinguait toutefois du dialecte distingué qu'on parlait à la cour. Mais les bouleversements provoqués par la Révolution française ont contribué à diffuser, d'abord au sein de la bourgeoisie, puis dans toutes les couches sociales, les façons de parler qui s'étaient imposées d'abord à Versailles, puis dans les salons parisiens. Étant donné la faiblesse des flux migratoires entre la France et le Canada, le français québécois a évolué en conservant les manières de parler qui existaient sous l'Ancien Régime, y compris en gardant des traces rappelant l'origine régionale de ces immigrants, comme le normand, le poitevin, le saint-ongeais, etc. Ce vieux français se caractérisait notamment par le fait que l'on ne prononçait pas toutes les syllabes, ce qui est encore une marque du québécois. Les Québécois peuvent donc considérer qu'ils parlent le vrai français et que ce sont les Parisiens qui ont pris un accent en prononçant toutes les syllabes, toutes les lettres, tous les mots comme il faut. Affirmer que les Québécois ont un accent est erroné aussi, parce que les linguistes ont répertorié plus de 30 accents canadiens-français différents dans les territoires qui font partie du Canada actuel. Bref, comme l'affirment des Canadiens que je connais, le Québécois n'est pas un français déformé, mais plutôt un français historique, proche de celui qui était parlé en France jusqu'au XVIIe siècle. Mais comme toute langue vivante, le Québécois a lui aussi évolué au cours du temps, en s'adaptant aux réalités du monde dans lequel vivent les gens qui le parlent. Étant donné qu'ils habitent dans un pays largement dominé par la culture anglo-saxonne, les Québécois se sont efforcés de défendre leur langue. On comprend pourquoi, dès le début du XXe siècle, ils ont crié au scandale en voyant les Parisiens adopter des anglicismes comme « smoking »,« footing », »,« cocktail » ou « tea room ». Mais dans le même temps, les Québécois ont eux aussi assimilé une multitude de mots empruntés à l'anglais. Ils disent « fan » pour « ventilateur »,« allô » pour dire « salut » et tout ce qui est mignon est forcément « cute ». Merci vivement Gérard Noiriel-Tabernacle, le pourquoi du comment, et nous accueillons dans le cours de l'histoire Valérie Hanin. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Rédactrice en chef du magazine L'Histoire, le partenariat avec le cours de l'histoire et le dernier numéro, j'ai envie de dire le néo-numéro, c'est le néolithique. Valérie, assiste-t-on à une révolution autour de la révolution néolithique? Est-ce que le regard porté par les historiens, les historiennes, les préhistoriens, préhistoriennes change en ce moment sur le néolithique? Alors oui, tout change et avec des gens qui participent à ce dossier, on fait un grand saut là, hein, mais beaucoup de nos auteurs sont des auteurs de Paris, hein, d'ailleurs Jean-Paul Demoule, Boris Valentin, mais aussi de l'ex-université de Paris, Catherine Perlès, évidemment, parce qu'il y avait de l'archéologie aussi hein, dans cette belle université. Alors révolution néolithique, Xavier, le mot est un peu discuté par certains, mais enfin quand même, Jean-Paul Demoule nous dit, c'est une des plus grande rupture de l'histoire humaine et il n'y a pas de doute, ça s'est fait pas en 3 ans mais en quelques milliers d'années et entre 10 000 et 5 000 avant notre ère, des groupes humains sédentarisés se sont mis à domestiquer des plantes et des animaux et ça change absolument tout. Alors ça change tout, y compris pour faire ce qu'on aime bien dire aujourd'hui, pour certains, le malheur des hommes. C'est-à-dire qu'avant, paraît-il, le paléolithique, c'était un monde sans guerre, sans épisodie, où on peignait tranquillement dans les grottes, sans dégâts dans l'environnement. Hein, le paléolithique heureux, le grand succès du livre de Sapiens, de Yuval Harari ou de Lady Sapiens récemment. Alors, les choses sont un peu plus compliquées. Hein. Il se passe quelque chose, c'est sûr, au Proche-Orient. Est-ce que c'est le malheur ou est-ce que ça n'est pas le malheur? C'est une histoire et une évolution complexe hein, qu'on décrit dans ce dossier avec des retours en arrière, avec des suivis très précis qui sont permis aujourd'hui par l'extraordinaire percée des méthodes archéologiques. Oui, parce que Valérie Hanin, vous avez été étudiante brillante, vous savez, vous définissez les mots du sujet, le néolithique, vous nous avez dit ce que c'est. Alors là, vous mettez la problématique directement en couverture. L'agriculture a-t-elle fait le malheur des hommes? C'est très intéressant de penser cela, mais en écho à nos sociétés qui réfléchissent à l'environnement et à la fragilité de ce qui nous entoure. Bien sûr, parce que cultiver, c'est beaucoup de choses. Lorsque Gordon Child, qui était un archéologue marxiste il y a 100 ans, invente le mot révolution néolithique, pour lui, c'est la marche du progrès. C'est la marche vers la production, vers des hommes plus maîtres de leur environnement. Aujourd'hui, on voit les choses un peu différemment, mais c'est sûr qu'il y a que les bouleversements, nous, on n'a pas du tout une attitude religieuse, évidemment, on ne parle pas de péché originel dans ce dossier. C'est pas le but, on fait de l'histoire. Mais ces bouleversements, évidemment, induisent des modifications dans tous les domaines. L'humanité peut grandir, on passe de 5 millions à 100 millions d'hommes en attendant la suite. On habite dans du dur, on se sédentarise, on a en effet plus de maladies. Il y a l'impôt, la naissance des États, tout ça va faire qu'on entre dans ce que les historiens appellent l'entrée dans l'histoire. Mais c'est aussi une des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui, c'est que l'entrée dans l'histoire, jusque-là, c'était forcément, je parle sous le contrôle des grands spécialistes qui sont là, des grands historiens, c'était la naissance de l'écriture, parce qu'on a des sources et des archives. Mais après tout, on peut, avec ces progrès de l'archéologie, aujourd'hui, il y a une tendance assez lourde qu'on commence à travailler un peu dans ce dossier, à faire remonter l'entrée dans l'histoire, quand même, peut-être au moins, à ce qu'on appelle la paléo-histoire, avec Boris Valentin, c'est-à-dire toute cette phase où il se passe des choses. La préhistoire, c'est pas un monde glacé, où il ne se passe rien, immobile, et il y a notamment au milieu cette révolution, quand même, qu'il faut bien appeler révolution néolithique. Oui, c'est une histoire, une évolution dans le temps et dans l'espace, Valérie Hanin, parce que dans une lecture ancienne, la révolution néolithique, le mot aujourd'hui est contesté, naissait au Moyen-Orient, un foyer. Non, aujourd'hui, c'est une lecture complètement différente. Il y a plusieurs foyers de ce mouvement. Oui, il y a plusieurs foyers. Mais c'est vrai que le Proche-Orient a un rôle absolument décisif. C'est là qu'on cultive pour la première fois, qu'on domestique le blé, l'orge. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça va dans la théorie diffusionniste, qui est aujourd'hui tout à fait établie, diffusée vers l'Europe. L'Europe, à cette date, est colonisée. C'est pas elle qui est à l'origine. En revanche, il y a d'autres foyers en Chine, en Amérique, en Mésoamérique. Là, c'est le maïs, en Afrique ou ailleurs. Néolithique, l'agriculture a-t-elle fait le malheur des hommes? Le magazine L'Histoire fait notre bonheur. Merci beaucoup Valérie Hanin. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Vudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.